بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue cette série de cours inshallah ta'ala concernant les règles du mariage avec l'explication du chapitre du mariage tiré de Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid-Din du très savant Sa'di rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit wa la yahillu lirajuli an yakhtuba ala khitbati akhihi ala khitbati akhihi al-muslim hatta ya'zana aw yatruk. Et il n'est pas permis à l'homme de demander en mariage à une femme dont son frère musulman lui a déjà demandé en mariage, jusqu'à ce que celui-ci lui donne la permission ou laisse tomber. Et donc un homme musulman qui demande une femme en mariage, la femme elle réfléchit, ou la femme elle a donné son avis, donc c'est ce qu'on verra inshallah ta'ala. Un homme musulman qui demande la main d'une femme, un autre homme musulman n'a pas le droit de venir demander la main de cette femme. Et certes, les savants sont unanimes sur le fait que le premier homme qui a demandé en mariage, si la réponse qui lui est donnée est positive, c'est-à-dire que la femme est d'accord, son tuteur est d'accord, alors là, il n'est pas permis à un autre homme de venir lui demander en mariage. Et donc, ils sont unanimes. À partir du moment où il y a eu l'accord, ça veut dire l'homme qui demande à la sœur en mariage, la sœur, elle dit « Oui, ok, je veux bien. » Ils sont d'accord. Ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont d'accord sur le fait de se marier. À partir de là, il n'est permis à qui que ce soit de venir demander la main à cette femme. Et certes, l'imam muslim, il nous cite dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « El mu'minu akhul mu'min » « Le croyant est le frère du croyant. »« Est le frère du croyant. »« Fela yahillu lil mu'mini an yabta' ala bay'i akhi » وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرْ. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis aux croyants de vendre sur la vente de son frère. C'est-à-dire, ton frère est commerçant. Toi, tu es commerçant. Ton frère a un client à qui il veut vendre un produit. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu vas lui prendre son client pour que toi, tu puisses vendre. Et donc il n'est pas permis aux musulmans, aux croyants de faire cela. Et ensuite il continue sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas permis aux croyants de demander la femme, de demander la main d'une femme à qui son frère croyant a demandé la main. Jusqu'à ce que celui-ci laisse tomber. Jusqu'à ce que le premier laisse tomber. Par contre, la question qui se pose maintenant, c'est si cette femme a donné une réponse négative. Le premier a demandé en mariage et la femme a donné une réponse négative. Alors là, bien entendu, il n'y a pas de mal à ce que le deuxième aille demander la main de cette femme. Et on ne va pas lui reprocher « Ah, pourquoi est-ce que tu allais demander sa main alors que tu sais que moi je lui ai demandé aussi, etc. etc. » Non, elle n'a pas voulu se marier avec le premier. Son frère va lui demander... Il n'y a pas de mal. Aucun reproche ne lui est fait. Aucun reproche ne lui est fait en cela. Voyez, maintenant la question c'est si on ne sait pas. On sait qu'un frère a demandé la main à une sœur. Il lui a montré qu'il est intéressé, il lui a dit qu'il est intéressé pour se marier avec elle, etc. Et on ne sait pas quelle est la réponse de la sœur. Est-il permis à ce moment-là de demander la main de cette femme ou pas? Eh bien, l'avis le plus juste des gens de science, barakallahu fikum, c'est qu'il ne va pas, donc il n'est aussi, encore une fois, il n'est pas permis de demander la main de cette femme. Même si elle n'a pas donné sa réponse. Pourquoi ? Pour la même raison qu'on a citée précédemment. La même raison qu'on a citée précédemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « El mu'minu akhul mu'min » Le croyant est le frère du croyant. Et donc nous devons nous efforcer d'accomplir les causes qui vont maintenir cette fraternité et délaisser les causes de la division. Et donc, si tu sais que ton frère a demandé la main d'une sœur, la sœur, elle réfléchit ou elle n'a pas donné de réponse ou on ne sait pas la réponse qu'elle a donnée, tu attends. Pourquoi ? Pour préserver cette fraternité qu'il y a entre toi et ton frère. Toi, certaines personnes peuvent nous dire, mais il y a le hadith de Fatima bint Qais dans Sahih Muslim. Qu'est-ce qu'il y a donc dans Sahih Muslim, Fatima bint Qais qui dit lamma halaltu zakartu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna Muawiya ibn Abi Sufyan wa Aba Jahm khatabani. Elle dit quoi? Fatima bint Qais, elle dit lorsque j'ai fini ma période de viduité, alors j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Sufyan, que Muawiya ibn Abi Sufyan, excusez-moi, et Abu Jahm, les deux m'ont demandé en mariage. Les deux m'ont demandé en mariage. Et donc ici, deux hommes qui ont demandé en mariage à une femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu en disant « Amma Abu Jahm, fala yada'u asahu an atiqihi, wa amma Muawiya fasu'lukun la malala, inkihi Usama ibn Zayd, fakarihtuhu, thumma kal, انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا فارتبطت. Et donc elle dit, Fatima, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant, en ce qui concerne Abu Jahm, alors il ne lâche pas son bâton, ou du moins il ne déplace pas son bâton de son épaule. Son bâton, il est toujours sur son épaule. C'est une expression qui va être utilisé pour dire que c'est quelqu'un qui frappe beaucoup les femmes. Et donc ici, c'est blâmable. Hein? On montre qu'ici, le prophète, il nous montre que ce caractère est un caractère blâmable et qu'il ne convient pas. Et donc elle lui dit, concernant Abu Jahm, il ne laisse pas, son bâton est toujours sur son épaule. Et concernant, donc, Muawiya, alors, il n'a pas d'argent. Marie-toi avec Usama ibn Zayd. Elle dit, je ne voulais pas. Je détestais cela, le fait de me marier avec Usama. Le prophète lui a dit, épouse Usama. Elle dit, alors, je me suis mariée avec lui et Allah a placé en cela du bien et donc j'ai été enviée. Les gens, ils l'ont enviée par le fait que elle s'est mariée avec Usama ibn Zayd. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a placé la baraka dans ce mariage. Tout ça, barakallahu fikoum, les frères, ici, ce hadith-là, il ne faut pas comprendre qu'un des deux compagnons, il savait que l'autre, qu'il avait demandé la main à Fatima bint Qais, et qu'ensuite il est allé. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Les savants, ils nous disent, on comprend de cela qu'aucun des deux compagnons ne savait que l'autre avait demandé la main de cette femme. D'accord ? Et donc c'est possible qu'un homme demande la main à une femme et qu'ensuite un autre ne soit pas au courant et lui aussi il demande la main à la femme. Et la femme, elle se retrouve avec deux demandes et elle réfléchit. Il n'y a pas de mal à cela lorsque les deux ne sont pas au courant. Et aussi, on comprend de ce hadith, barakallahu fikoum, que les gens de science, ils orientent les gens vers ce qui est bien pour eux. Hein, cette femme, la Fatima, elle ne voulait pas se marier avec Usama. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savait qu'il y avait un bien pour elle en cela. Et ça, c'est une responsabilité pour les gens de science. Orienter les gens vers ce qui est un bien pour eux, même s'ils ne le veulent pas. Parfois, des gens, ils viennent te voir, ils ont une question, ils veulent quelque chose, et toi, tu sais que c'est un mal pour eux. Alors, tu les orientes vers autre chose. Mais ils ne veulent pas. Je ne vais pas changer d'avis parce que toi, tu ne veux pas. Puisque moi, ma responsabilité, c'est de te montrer la vérité. Je ne vais pas changer la vérité sous prétexte que toi, tu n'es pas d'accord avec cette vérité. Et donc ça, c'est une responsabilité qui incombe aux gens de science. On comprend aussi de ce hadith qu'il est permis de parler d'une personne, de critiquer une personne même, lorsqu'il y a une nécessité. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a critiqué deux compagnons en citant leur nom. Et en citant les défauts. Pourquoi ? Parce que là, c'est le mariage. Parfois, certaines personnes sont gênées. Ah non, je ne veux pas le critiquer, je ne veux pas parler sur lui. Et après, c'est une question de mariage, là. Il se peut que la sœur, elle se marie avec le frère et qu'ensuite, il y ait un divorce. Tout ça parce que tu es resté silencieux. Et que tu n'as pas osé parler. Et bien entendu, lorsqu'on parle, on parle avec preuve et argument, pas avec passion. On ne parle pas sous l'effet de la passion. Il m'a mal regardé, donc maintenant je vais le critiquer, il va voir, je vais l'empêcher de se marier. Non, non, ce n'est pas comme ça. Il faut être honnête et sincère lorsque tu parles. Et donc il n'y a pas de mal à ce que concernant certains sujets, concernant une nécessité, qu'il y ait certaines critiques qui soient faites. Parfois, certaines personnes n'acceptent pas la critique. Mais en réalité, la critique est un bien pour toi. Les critiques qui sont faites à ton égard, si elles sont fondées, sont un bien pour toi. Pour que toi, tu t'améliores et que tu corriges tes défauts. Rappelez-vous cette parole qui a été citée de Omar, radiallahu an, rahimallahu mru'an. Abdali uyuba nafsi, qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui a mis en évidence pour moi mes propres défauts. Et donc on est content que les gens nous montrent nos défauts. Certains non, ça les dérange. Pourquoi on me critique? C'est pour ton bien qu'on te critique. Ensuite l'auteur rahimahullah qui nous dit que il nous dit wala yajuz at-tasrihu bi khitbati al-mu'taddati mutlaqan. Il n'est pas permis de demander la main d'une femme en période de viduité de manière claire. Il n'est pas permis de demander la main à quelconque femme qui soit en période de viduité de manière claire. Et donc les femmes, la période de viduité de la femme va varier en fonction de sa situation. La femme qui a été divorcée, mais d'un divorce qui n'est pas définitif, ou un divorce qui n'a pas encore entraîné une séparation, c'est-à-dire qu'elle est encore dans sa période de viduité et que son mari peut la reprendre. C'est-à-dire une femme qui a été divorcée, que ce soit le premier ou le deuxième divorce. Alors la période de viduité de cette femme est de 3 menstrues. Et je dis bien 3 menstrues, parce que parfois, il peut y avoir des femmes qui vont avoir des menstrues tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Cette femme qui a ses menstrues tous les 3 mois, sa période de viduité va durer 3 menstrues, c'est-à-dire que ça peut aller à 9 mois. Si celle-ci n'est pas enceinte. Par contre, la période de viduité de cette femme, si elle est enceinte, sa période de viduité continue jusqu'à ce qu'elle accouche. La femme qui a été divorcée, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme qui a été divorcée, ou la femme dont son mari est mort, par exemple. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme dont son mari est mort, alors à ce moment-là, sa période de viduité est de 4 mois et 10 jours. De 4 mois et 10 jours. Et donc, il y a plusieurs périodes concernant, ou plusieurs limites concernant la période de viduité, en fonction de la personne. Et ça, on le verra dans un autre chapitre, inshallah ta'ala. Mais tout ça pour vous dire que toutes ces situations qui ont été citées, dans toutes ces situations, il n'est pas permis de demander la main de la femme, il n'est pas permis de lui demander la main de manière claire. Comme par exemple le fait de dire « Je veux me marier avec toi quand ta période de viduité sera terminée. » Un frère a divorcé une femme. Un mois après, un autre frère vient et lui dit « Orti, tu es encore dans ta période de viduité. Je voudrais, Inch'Allah ta'ala, te demander là. Je voudrais me marier avec toi après ta période de viduité. » Ce n'est pas permis. Ou alors il vient et lui dit « Est-ce que tu veux te marier avec moi dès que ta période de viduité sera terminée ?» Ou autre que cela, parmi les phrases qui sont claires, c'est-à-dire des phrases qui ne montrent qu'une seule chose, c'est-à-dire que cet homme veut se marier avec elle. Toutes ces phrases-là et toutes ces formulations sont interdites pour la femme qui est encore dans sa période de viduité. Tayyib, l'auteur qui nous dit après cela, « وَيَجُوزُ التَّعْرِيضُ فِي خِطْبَةِ الْبَائِنِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ » Et il est permis de faire la demande de manière indirecte. Et il est permis de faire la demande de manière indirecte concernant celle qui est séparée de son époux. Celle qui est séparée de son époux, c'est-à-dire soit par un mariage dont la période de viduité, soit un mariage, le divorce, le troisième divorce par exemple, la femme qui a été divorcée 3 fois, et donc elle a sa période de viduité durant laquelle elle ne peut pas se marier. Tayyib, mais ça y est, c'est fini, elle n'est plus l'épouse de cet homme. Ils sont séparés, troisième divorce, ils sont séparés, ce n'est plus son épouse. Troisième divorce, lorsque l'homme divorce sa femme 3 fois. Au troisième divorce, ce n'est plus son épouse. Contrairement au premier et au deuxième. Le premier et le deuxième, l'homme prononce le divorce, la femme reste encore son épouse pendant toute la période de viduité, les 3 menstrues. C'est encore son épouse, ils vivent ensemble, etc. D'accord ? Et une fois que la période de viduité est terminée, ce n'est plus son épouse. Voyez, concernant le troisième divorce, à partir du moment où il a prononcé le troisième divorce, ce n'est plus son épouse, c'est terminé. D'accord ? Et donc, concernant cette femme qui a vécu un troisième divorce, ou alors la femme dont son mari est mort, ces deux femmes-là sont séparées de leur époux. Ça y est, le premier. Concernant la première, elle a été séparée de son époux par un troisième divorce. Elle ne peut pas se remarier avec lui. Et concernant la deuxième, elle a été séparée de son époux par la mort. Elle ne peut pas revenir avec lui. Sauf si ce n'est dans l'au-delà. Et donc, à partir de là, pendant que cette femme est en période de viduité, il est permis de lui demander la main de manière indirecte. Attention, c'est toujours interdit de manière directe. C'est toujours interdit de manière directe. Mais c'est permis de manière indirecte. Pourquoi ? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, « Wala junaha alaykum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa » Et aucun mal ne vous est fait lorsque vous demandez la main aux femmes de manière indirecte. Surat al-Baqarah, le verset 235. Surat al-Baqarah, le verset 235. Et donc, barakallahu fikoum, il y a plusieurs manières de demander la main à la femme de manière indirecte. Et d'ailleurs, l'auteur, il nous cite des exemples. Parmi les exemples qu'il nous cite, il nous dit, « Wasifatu ta'rid » et la manière dont la demande indirecte se fait, en yakoul, il n'y fit misli qu'il a rarib. Et donc le fait que la personne dise à la femme, je suis intéressé par des femmes comme toi. Il ne lui a pas dit, je suis intéressé par toi. Des femmes comme toi. Et donc là, les savants nous disent, ça c'est une demande indirecte. Ou alors, la tufawiti ni nafsek. Donc le fait de dire, fais en sorte que je ne sois pas privé de toi. Ou alors, le fait de dire, ana abhasu an zawja. Je cherche une épouse. Tu ne lui as pas dit, je veux me marier avec toi. Tu dis, je cherche une épouse. Ou alors, izan tahet iddatuki fa akhbirini. Lorsque ta période de viduité sera terminée, informe-moi. Tu ne lui as pas dit, je vais te demander en mariage. Tu dis, informe-moi. Et donc là, de cette manière-là, c'est permis. Certaines personnes ne font pas attention à cela. Ne font pas attention à cela. Un frère a divorcé, allez hop, un frère est intéressé par l'ex-épouse de ce frère, ils vont demander en mariage de manière directe alors qu'elle est en période de viduité. C'est interdit. C'est interdit. Et certains vont faire pire encore, ils vont faire le mariage pendant la période de viduité. Ils vont faire le mariage pendant la période de viduité, et ça, on le verra, Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.